N'ap di bon Dieu merci pour tout ça li fait pour nous. Li ba nou yon laye. Nous venons tout côté nous passer. Dieu sa bon tout bon. Avec courage ou travail tu. Nous c'est petite la cour. Racine nous bien. Josias, nous là, n'a chimé, mais nous pas jamais. Devant nous, c'est pour nous travail, travail pour monter plus haut. Pas qu'à baisser, n'avancer, nous d'habit à lever bonheur. Nous là, n'a travail. Jésus,